d'exemple sur mon frère, j'étais là. Mon grand frère m'a prévenu que la vie ressemblait pas à GTA. Je l'aime mais je ne sais pas si de son côté c'est réciproque. Car on vit pas de la même époque. Au collège, mon grand frère n'était pas là. Au lycée, mon grand frère n'était pas là. Toute la semaine, j'envoie des lettres au pénitencier juste pour lui passer le salam. Tu manques à maman, papa, trop de fierté pour le montrer. Pour toi, je vais monter. Des exemples ne sont pas si mauvais que ça. C'est pourquoi je vais te le démontrer. T'as fait des bêtises, ok. T'as pris du pige, ok. Mais t'as eu le bac avec mention assez bien. Histoire de tous se les choquer. Je fais du rap parce que tu rappes. Espérons que ça sera du rap. Mon grand frère a pas eu besoin de voiture pour voir que tout son avenir est rap. T'as trouvé du boulot avec le culot sans reculons. Je frappais à toutes les portes, je passais tes CV, mais ils te demandaient des études de plus long. Dans mon lycée, j'ai des anciens profs à toi qui me demandent de tes news. Je leur mange, dis que t'es homme d'affaires à la défense et je leur dis que t'as du flou. Mais en réalité, c'est pas le cas. Je dors au placard avec un barca sur tes épaules. Faut que je tape à l'école car de nos jours, y'a personne qui t'épaule. Mais malgré ça, je prends exemple sur toi. Toi, à mes yeux, tu es un surdoué. Je suis triste et les gens veulent me consoler en essayant de m'amadouer. Prends exemple sur mon frère, j'étais là. Mon grand frère m'a prévenu que la vie ressemblait pas à GTA. Je l'aime mais je ne sais pas si de son côté c'est réciproque. Car on vit pas de la même époque. Pour prendre exemple sur mon frère, j'étais là. Mon grand frère m'a prévenu que la vie ressemblait pas à GTA. Je l'aime mais je ne sais pas si de son côté c'est réciproque. Car on vit pas de la même époque. J'ai entendu que tu m'idolâtres. T'es chaud quand il faut se battre. T'es bavard et dur de la cabesse. Que t'es rempli de crépassa. La fava et t'es fier. Mais suis-je un bon grand frère? Au lieu de te protéger, je t'ai exposé. Ska total quand je rentre explosé. On ne te le dira pas ça, mais c'est la vérité. Mes pétages de plomb à la maison. Ce froid entre ton frère et le daron. T'as vu l'argent facile? Les filles agiles, mais la vie est difficile. Balance ce que tu crois, la poubelle, la vie est beaucoup plus belle. Occupe-toi de tes sœurs, essaie d'être un bon père. Ramène de l'oseille, mais ne perds pas tes repères. Tricher pour gagner l'espace est mince, faut être une pince. J'te dis pas ne fais rien, j'te dis juste fais le bien. Ce que tu me dis aujourd'hui, le dard me l'avait prédit. Tu feras pareil que moi, me disait-il. Prends exemple sur mon frère, j'étais là. Mon grand frère m'a prévenu que la vie ressemblait pas à GTA. Je l'aime mais je ne sais pas si de son côté c'est réciproque. Car on vit pas de la même époque. Pour prendre exemple sur mon frère, j'étais là. Mon grand frère m'a prévenu.